Salut Charline. Bah dis donc, t'es pas pressée, t'as vu l'heure? Oh, ça va, hein, c'est jour férié. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Et aujourd'hui, c'est pour Jésus ou pour la guerre? Alex, aujourd'hui, c'est l'ascension. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est la guerre, l'ascension des habits. Non, c'est l'ascension de Jésus. Ah, mais je pouvais pas savoir. Moi. Bah oui, au mois de mai, c'est open bar, niveau jour férié, il y en a plein. Par exemple, la semaine prochaine, Alex, attention, c'est là. Je sais pas. Là, c'est la Pentecôte. Ah, le débarquement des Américains sur la côte. Mais non, n'importe quoi. Sur la pente. Mais non, c'est pas ça. Non, enfin, c'est la venue du Saint-Esprit, bordel de merde. C'est grâce à lui qu'on a des jours fériés, tu suis un peu. Oui, aussi grâce à la guerre. Oui, donc je trouve qu'un athée antimilitariste ne devrait jamais avoir de jours fériés. Il a raison. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon. Merci pour cette conclusion. Bon, on peut passer au sujet, s'il vous plaît. Non, parce que moi, je propose Rachida Dati quand même. Ah, ça, c'est une sacrée magouilleuse. Pas du tout. Elle est bien habillée. Elle a bien raison de dépenser. Elle est bien habillée, belle magouille. Super, super. Vous n'êtes pas d'accord. Magnifique, je prends. Martinez de la CGT au Festival de Cannes. Lui, il n'a rien à faire là. Cannes, c'est pour les gens beaux. Mais pas du tout. Cannes, c'est la gauche. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Magnifique, parfait, je prends. Le retour de Nabila en télé. Oui, ça, je suis pour. Oui, ça, je suis d'accord. Bon, super. Vous êtes d'accord. Magnifique, je ne prends pas. Non, mais ça va, on se marre les jours fériés. En tout cas, ça va vite. C'est chouette. Ça devrait tout le temps être férié. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une très bonne émission le 8 mai. Je me souviens. Ouais, c'était vrai. Quoi le 8 mai? Alex, c'était la capitulation. Ah, capitulation de Jésus. Mais de l'Allemagne. Il était allemand, Jésus? Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité au Karcher. Et voici les trois informations que vous allez récupérer toutes propres, voire trop propres, jusqu'à 18h. Il y en a qui bossent ici. Oui, à la Cour des comptes, ça n'arrête pas. Cette fois, ce sont les dépenses au ministère de la Justice en 2008 et 2009 qui ne sont pas claires. Donc les dépenses de Rachida Dati. Vous êtes vraiment une femme Barbara Gould. Le leader de la CGT sera à Cannes ce week-end. Le Figaro s'en offusque. C'est pourtant la centrale des travailleurs qui a contribué à fonder le festival. Vous parlez de solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de travelling les gros plans. Vous êtes un héros. La mort de Nelson Mandela entre deux photos de chats, c'est Facebook. Eh bien, c'est devenu l'une des principales portes d'entrée de l'information. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée de l'ami des bêtes, Alex Vizarek. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais j'aime bien. Bonjour, bonjour. Charline Vanhoenacker. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Attention autour de la table, une toute belle équipe. À 17h20, l'homme qui est félin comme Usain Bolt pour nous livrer sa prose poético-sportive, mais qui, lorsqu'il doit courir un 100 mètres, fait des temps beaucoup plus proches de ceux d'Umberto Eco. Bonjour, Samir Bouadi. Mais tout ça est très vrai. Moi, je sais. Ah, oui, très fort. Je vous parlerai d'une bande de jeunes femmes et puis aussi d'une très vieille dame. Très bien. À 17h30, celui qui regarde le monde avec des yeux d'enfant. Donc, il regarde d'en bas ceux qui le prennent de haut, ceux qui nous donnent le vertige de la bêtise contemporaine. Oh. Bonjour, Guillaume Bonjour, Meurice. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Moi, je me suis rendu ce matin à l'ouverture de l'exposition The Art of the Brick. Que des sculptures faites en Lego, dont certaines plaisent aux enfants. Lesquelles ? Les têtes de mort. Voilà. La fille d'Amélie Nothomb était là donc. Et à 17h40, c'est un autre vertige. Entre nous, c'est l'histoire du ver de terre et de l'étoile. Dans le rôle du ver à moitié vide, car je noie mon chagrin moi-même. Et dans celui de l'étoile complètement filante, celle qui m'en met plein les yeux des étoiles, c'est Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. Ça veut dire quelque chose, vraiment ça? Oui, oui, oui. Oui, c'est bien écrit, mais c'est mal reçu. Bonjour Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. Eh bien, certains chiffres viennent de tomber sur le livre en France. Et il y a des fois, on est content d'habiter en France. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Je dirais même que c'est un référent, voire le référent de France Inter. Vous êtes né sous le gouvernement provisoire de Georges Bidault. Vous êtes découpeur de dépêches à l'ORTF en 69. C'est l'année où la SFIO est redécoupée, elle aussi, pour devenir le Parti Socialiste, qui lui-même sera bientôt redécoupé sans doute, si ce n'est le cas déjà. Vous devenez grand reporter sur Europe 1 en 74. L'année où les femmes deviennent enfin libres de leur corps après le vote sur l'IVG. Vous présentez le 7-9 d'Inter à partir de 99, lorsqu'en Europe, il est l'heure de changer la monnaie. Vous êtes donc, vous êtes... Est-ce que je vais le dire? Je sais pas. Si, on va vous reconnaître. Ne dites rien, on va vous reconnaître. Allez, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, chez vous aussi, jouez, n'hésitez pas, intervenez sur le hashtag annule tout pour reconnaître la voix. Ça, c'est les légendes de France Inter, on ne va même pas dire leur nom, ces gens-là. Alors, pour ceux qui auraient un doute, évidemment, on donnera la réponse. Le gagnant gagnera de pouvoir venir voir notre émission s'il passe par Paris. Voilà, vous publiez un livre, un échange de correspondance. Attendez, non, vous allez voir. Léon Zitrone, bonjour. Un échange de correspondance, des lettres entre vous et le linguiste Alain Rey. Tout ça publié chez Jean-Claude Lattès, ça s'appelle Causa. Moi je le dis en latin dites, version belge. Vous dites Causa. Comme il faut le dire, bien sûr, Causa, voilà. C'est très bien. Donc un livre échange de correspondance. Vous ne faites pas confiance à La Poste ou que ça en a fait un livre Non, c'est, La Poste c'est pas mal, mais cette formule-là est finalement très plaisante parce que La Poste, on sait en gros que quand on envoie une lettre, elle va revenir assez vite. Alors que là, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on envoie une lettre à Alain Rey, on ne sait pas s'il y aura une réponse. Donc ça devient quelque chose de très stimulant, en fait. Heureusement qu'il vous a répondu. Oui, mais alors très sincèrement, quand j'ai envoyé la première, je me suis vraiment demandé s'il y aurait une réponse de sa part. Parce que franchement, envoyer une lettre à Alain Rey, c'est assez imprudent. Et donc ça n'était pas prémédité. Vous ne vous êtes pas dit, cher Alain, nous allons nous écrire et ça formera un livre, le recueil de nos correspondances, publié chez Jean-Claude Lattès. Je crois que quand on a commencé, en tout cas moi, ça c'est sûr, et lui a dû aussi se poser la question, qu'est-ce que ça va donner ? Et encore une fois, c'était une sorte de pari un peu fou. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des discussions un peu à bâton rompu, même oui, si chaque lettre a un thème, bien sûr, mais vous partez dans des digressions, des réflexions philosophiques, mais aussi très terriennes, vos expériences, etc. Pour essayer de résumer un peu l'âme de votre livre, il y a un moment où vous dites « Ce que nous appelons la vérité ne serait donc qu'une affaire d'auteur. Il était donc nécessaire de rappeler que les mots racontent mieux le monde que les images. » Est-ce que je le crois. Par exemple j'ai pas de thèse, bien entendu. En fait, moi, je me pose des questions, parce que je suis un journaliste qui finit un peu son parcours, et donc la question que je me suis posée... C'est jamais fini, le parcours d'un journaliste. C'est jamais fini, mais tout de même, vous êtes jeunes encore, vous tous, là, autour de cette table, mais quand on commence à être plus âgé, on s'interroge sur ce qu'on a dit. Comment on l'a dit? Pourquoi on l'a dit? Ah, j'espère qu'on ne deviendra jamais âgé, parce qu'il y aura du boulot. C'est pas mal. Mais détrompez-vous. Vous verrez que c'est vachement bien. C'est vrai? Oui, c'est un moment très... Moi, je m'inquiétais un peu. Eh ben non, c'est un moment très plaisant de faire un point sur ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, et y compris d'ailleurs en se mettant vraiment en cause, en se disant ça j'aurais peut-être pas dû le faire. Là, je me suis trompé, je me suis souvent trompé. Vous croyez que Jean-Pierre Pernaut va avoir le même réflexe que vous à la fin de sa carrière? Mais qui sait? Il faut jamais désespérer des gens. Et donc discuter, avoir un échange avec un linguiste, celui qui dit les choses et qui dit le monde, ça permet une véritable remise en question plutôt que de parler avec un philosophe, par exemple. Vous auriez pu choisir BHL, je ne sais pas. Non, mais ça m'a conduit à des questions étonnantes. C'est-à-dire que, à se poser pour de bon la question de savoir si le réel, ce que nous appelons le réel, si ça existe. Si c'est pas. Après tout, on n'est pas. Les mots permettent des constructions absolument incroyables. Et les mots, qui sont le petit véhicule qu'on a pour décrire le monde, ils peuvent nous conduire à des situations très troublantes, très singulières. D'ailleurs, Alain Rey, parlant des mots, parle du mensonge des mots. C'est quand vous voyez un linguiste qui a écrit le dictionnaire. Jérôme Cahuzac aussi, il parle du mensonge des mots. Oui, mais Jérôme Cahuzac qui fait bien de le faire. Mensonge des chiffres, il parle. Quand Jérôme Cahuzac parle du mensonge des mots, il est dans la réalité de Cahuzac. Ah oui. Voilà. Donc elle existe. Au fond, le paradoxe, c'est que finalement, Cahuzac finisse par dire la vérité. C'est vrai. La boucle est bouclée. Mais c'est la même problématique pour les romanciers. C'est exactement la même. Alors la différence, je crois que ceux qui disent le monde, les vrais narrateurs du monde, aujourd'hui, de mon point de vue, ce sont les romanciers. Pourquoi ? Parce que ils se sont libérés de l'enjeu du mot qui doit décrire absolument quelque chose. Je pense que la poésie, par exemple, c'est peut-être le meilleur moyen de dire le monde. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de vérité. Parce qu'elle est libre. Il n'y a pas d'enjeu de vérité. Voilà. Effectivement, elle s'est libérée de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous parlez à un moment d'une notion intéressante, on y reviendra au moment de parler avec Guillaume Meurice, je laisse le suspense, une notion de reporter poète, ce sera l'occasion, on va avoir l'occasion d'y revenir avec Guillaume Meurice. Causa, échanger, partager, reconnaître, c'est Stéphane Paoli. Ah, et c'est vous, mais c'est vous l'invité. Ah, voilà. Et oui, on l'avait pas dit. Il parle bien, je me disais, c'est bien. Stéphane Paoli est avec nous jusqu'à 18h, oui, avec Alain Rey, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Et on aura l'occasion d'en reparler, notamment avec Guillaume, mais aussi pour le troisième sujet, puisque nous avons choisi Facebook, et je sais que l'algorithme est quelque chose qui vous inquiète. Ah ouais. Et oui, on est avec le grand Stéphane Paoli jusqu'à 18h. C'est parti sur France Inter. Jacques Dutronc qui disait « on nous cache tout, on nous dit rien ». Et le dire, c'est important, n'est-ce pas? C'est le livre « Causa Stéphane Paoli, Alain Rey ». Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, Stéphane. Et autour de cette table... Et autour de cette table, Clara Dupont-Monod, Samir Bouadi et Guillaume Meurice. Et vous, hashtag annule tout. Et comme on peut nous voir sur franceinter.fr, Torgalix nous dit « entre la veste de Charline et les chemises d'Alex, Guillaume Meurice est un vrai défilé de mode aujourd'hui ». Mais voilà, c'est vous qui avez la palme de l'élégance aujourd'hui, et Meurice. C'est pas vrai. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Sans doute la dernière, profitez-en. Merci, et merci nous, les gens. Nous n'aurions pas cette discussion sans la radio filmée, Stéphane Paoli. Oui, mais moi, j'aime pas les caméras en studio. Moi. Mais je suis pas, encore une fois, vous êtes la nouvelle génération, peut-être qu'on inventera la radio différemment. Non, c'est pas quelque chose mais qu'on idolâtre, on n'y tient pas. Je pense que c'est de la mauvaise télé et pas forcément de la bonne radio. Donc voilà, c'est quoi. Bien dit ça. Ouais, ouais. Donc arrêtez de nous regarder. Voilà, écoute. Oui, on est la nouvelle génération, celle qui a été formée par vous, par vos journaux, par votre information, Stéphane Paoli. Eh bien, regardez ce qu'on en a fait, ce qui reste, c'est une catastrophe. Et pleurer. Un exemple là tout de suite, vous allez voir que vos enseignements n'ont pas été vains, Stéphane Paoli. Avec Alex, c'est le moment de la première revue de presse à deux voix entre quatre yeux. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire ? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Non, et aujourd'hui, c'est pas parce que c'est un jour, vous voyez, un peu de congé. J'ai pas envie de faire une revue de presse parce que Charline, ce matin, en me réveillant, après avoir entendu votre chronique, c'était brillant comme d'habitude, c'est pas le problème, j'ai écouté le journal de 8h et j'ai entendu ceci. À Paris, le plan Vigipirate dans une nouvelle phase moins statique, Michael. Oui, cela fait une semaine maintenant que les missions des CRS ont été modifiées. Il n'y a plus d'agents en permanence, par exemple, devant les grands médias. Je rêve ou ils ont fait passer le message que quoi, il n'y avait plus de policiers ici en bas du bâtiment où je travaille. Je crains que ce soit ça. Oui, oui. Donc ils sont en train de leur dire, c'est bon, allez-y. Quoi. Ouais, non mais rassurez-vous Alex, hein, c'est une adaptation du plan Vigipirate. Hein, ah bah oui, mais j'ai compris, parce que dans le reportage du journaliste qui a suivi, il a conclu en disant ça. Et l'objectif, depuis le départ, c'est d'être bien plus efficace dans les minutes qui suivraient un éventuel nouvel attentat. Intervention sur place, capacité de bloquer les itinéraires de fuite et de neutralisation si besoin. Vous êtes rassuré là? Ah oui, je suis rassuré. Donc ils auront plus de facilité pour commettre l'attentat, mais attention, ils auront beaucoup moins de chances de s'en sortir après. C'est ça, tout ce qui concerne la fuite, ça va mais être... Je comprends bien qu'on soit un média de service public, mais là quand même... Mais enfin, je vous dirais qu'en fait, on aurait dû en faire même plus sur cette information. Non mais vous avez tout à fait raison, on va faire ça tout de suite. France Inter, 17h22, flash spécial sur la modification du plan Vigipirate qui est passé en phase moins statique. Voici les horaires de patrouille. Les services de sécurité passeront devant Radio France toutes les heures 30 à partir de 5h30 du matin, 6h devant RTL, 6h30 devant Europe 1. Entre ces horaires, l'accès par la porte A est donc beaucoup plus aisé. On retrouve sur place notre envoyé spécial Charlie de Vanhoenacker. Vous nous entendez? Oui, Alex, je suis porte A, maison de la radio. Et bien écoutez, pour rentrer, il suffit de saluer gentiment Jean-Pierre, le vigile, avec un sourire assuré. Et il ne vous arrêtera pas. Donc, même si le portique sonne, j'ai essayé. Donc j'ai testé pour vous. Donc, ensuite, il y a le problème des ascenseurs, évidemment, qui fonctionnent avec le badge. Et donc on est condamné à rester dans le hall de Radio France. Non, écoutez, j'ai mené l'enquête ce matin. Non, il y a un truc, Alex. Face au troisième ascenseur, il y a un paillasson sur lequel Mireille laisse un badge de secours. Oui. Et elle a la tête en l'air. Et donc ce badge vous donne accès à tous les étages. Eh bien, merci pour ces informations, Charline. On passe à la météo. La météo avec les cafés Malongo. Jean-Michel Bolinski, on veut. Oui, alors il fera couvert sur toute l'Île-de-France avec de nombreux orages pour les deux jours qui viennent, ce qui rendra la route glissante. Alors je vous déconseille donc de faire un attentat ces jours-là. En revanche, dès lundi, le soleil sera au rendez-vous et à plus de 20 degrés, on sait bien que les vigiles ont tendance à transpirer sur le rejet des pare-balles et donc à les retirer. Merci Jean-Michel Bolinski. La route. Michel Berga. Oui, aujourd'hui c'est fluide dans Paris pour cause de l'ascension, mais prenez garde ce dimanche pour le retour. Il y aura des bouchons, notamment au péage de Fleury-en-Bière sur la 6, ce qui pourrait vous retarder en cas de fuite après un éventuel méfait, une éventuelle tuerie bien sûr. Privilégiez donc les itinéraires bis moins fréquentés et plus discrets que pourrait vous conseiller Cochon Futé. Merci Michel Berga. Voilà, je pense qu'on pouvait pas faire plus exhaustif. Si vous avez encore des questions, dès 19h20, le téléphone sonne sera entièrement consacré à comment vous y prendre pour attaquer Radio France. Voilà, sur France Inter, à la pointe de l'information. Là, vous me donnez la nostalgie du 7-9. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on vient d'annoncer qu'il n'y a plus personne devant la porte en bas. Et nous sommes au 6e étage, pour les vigiles. N'oubliez pas le badge donc sous le paillasson. Et nous sommes filmés, donc il y aura un buzz. Enfin, voilà, vous aurez la possibilité de relayer sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, on est ensemble. Écoutez, notre dernière émission, c'est avec Stéphane Paoli. On est très, très fiers. Si on arrive à la finir. On sonne à la porte. Excusez-moi, je vais ouvrir. Premier sujet avec vous, Stéphane. La Cour des comptes a épluché les dépenses de Rachida Dati au ministère de la Justice. Et on y trouve notamment des vêtements et des pâtisseries. Ce qui semble assez logique, puisque quand on mange des pâtisseries, après, on doit changer de fringues. C'était la femme Paul Enjo, mais il y a un an, j'ai arrêté mon 4x4 au bord de la route en allant à Deauville. Et j'ai craqué, beaucoup pleuré, le trou noir, une dépression, grosse dépression, complètement géniale, ça a duré 6 mois. Maintenant, je suis la femme Céline. Je déteste les bijoux, j'adore le démaquillant, j'adore le béton nu et je déteste les corniches. Je suis une femme qui travaille, une vie de bureau relativement simple, sauf que j'utilise des trombones en argent, c'est moins trivial que les trombones ordinaires. De toute façon, depuis ma dépression nerveuse, je le sais, rien n'a d'importance. Quand je pense que j'avais une maison à Deauville, je me trouve vulgaire. Rachida Dati, alias Mademoiselle Agnès dans Habillée pour l'hiver sur Canal+. Donc dans les comptes du ministère de la Justice, 190 000 euros de frais ont été invalidés par la Cour des comptes. À peu près 9 000 euros de fringues, pâtisseries, cadeaux, un foulard Hermès, ça c'est assez symbolique quand même. Mais 180 000 euros aussi en frais de conseil de communication, passés sans appel d'offres, à la boîte d'un très proche de Sarkozy, qui s'appelle Giacometti, qui était son conseiller. Mm-hmm. Quand on travaille Place Vendôme aussi, c'est un peu tentant d'acheter des foulards Hermès. Oui. Enfin, c'est quand même incroyable. Il s'agit de la Cour des comptes. C'est pas les... On ne peut pas nous dire cette fois que ce sont des méchants journalistes de gauche qui vont faire un sale travail. Non, c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes et il s'agit de l'ancienne ministre de la Justice. C'est quand même une histoire invraisemblable. Oui, mais alors, il faut attendre quand même la réaction, parce qu'elle n'est pas mise en cause de façon personnelle. Et elle, son explication, c'est de dire que ça servait comme cadeau à des homologues étrangers, et donc c'était tout un, des achats de protocoles, etc. Donc peut-être attendre quand même la réaction. Bien sûr, voilà. Mais ce que je note tout de même, et j'ai remarqué que c'était important, la Cour des comptes insiste sur le fait que ces vêtements de luxe, ces boissons et ces repas, à concurrence de pas loin de 9000 euros, ont été payés sans, je cite, « aucune attestation produite à l'appui des versements ». Ça, c'est la Cour des comptes, il écrit. Par conséquent, oui, il faut qu'il y ait une enquête. Mais enfin, là, il y a des comptes à rendre pour de bon à la Cour des comptes. Mais ce qui est très bizarre, c'est les frais de communication. Ah oui. Mais enfin, ça... qu'est-ce qu'ils ont tous avec les communications? Non, voilà, c'est quand même extraordinaire. Quand on est... Attendez, il se trouve que, un, ça porte pas ses fruits. A priori, c'est vrai. En général, le résultat est désastreux. Et deux, en général, chaque instance. Ça serait pire. Ben, en tout ça cas, chaque, en plus, chaque instance a son propre, souvent, service de com interne. Enfin, ouais. C'est quand même très bizarre. Non, mais j'aimerais c'est communicant. Mais voilà. Stéphane Paoli. Quand on est un ministre de la République, de deux choses d'une, ou on est en charge d'un ministère dont on a la compétence nécessaire pour le gérer, pour le diriger. Non, oublions ça, Stéphane, parce que le deuxième point. Non, mais c'est ahurissant. Par exemple, tenez, prenons un exemple récent. Le président de la République arrive en Guadeloupe. Et de la Guadeloupe, il dit aux Haïtiens qu'il va prendre en compte la question des réparations. Vous savez qu'on a demandé aux Haïtiens qui avaient vécu l'esclavage de payer une somme de, je ne sais plus combien, de milliers de francs or, parce qu'on avait aboli l'esclavage, qui était absolument ahurissant. C'est-à-dire qu'on a fait payer les esclaves, quoi, en gros. Le président de la République dit « Je vais engager la question des réparations ». Il dit ça en Guadeloupe. Et tout le monde comprend que la France va rendre à Haïti ce qu'on avait pris à Haïti. Donc de l'argent. Donc de l'argent. Et puis il arrive à Haïti, et là il dit « Non, non, ce sont des réparations morales ». Ah oui. Est-ce qu'il a lu aussi un conseiller en communication, François Hollande? Eh bien oui. Qui coûte un bon et qui n'a pas bossé. Je le crains. Ouais. Effectivement. Et ça me sidère. Ouais. Ça me sidère que le tout... Le budget alloué à la communication... Mais on voit à quoi maintenant... ils servent alors les ministres? Si on a besoin d'avoir un spécialiste de la communication pour faire le boulot à la place de celui qui est en charge, bah, y a qu'à virer les ministres et garder les conseillers en communication. Et les montants des budgets montrent quelle importance nos politiciens accordent à la communication aussi. Et surtout, pardonnez-moi d'être un peu trivial, et je demande pardon à l'arrêt, les conneries que ça leur fait faire. Oui. C'est hyper choquant ce que vous dites, Stéphane Paoli. Vous avez dit connerie. Le mot connerie est important, il doit être dit, prononcé, effectivement. À cette heure-ci, les mots aussi, c'est l'affaire de Samir Bouadi sur France Inter. Ben oui, ça y est, on y est. Les filles du PSG ont leur destin entre les pieds. Bon alors je cite cette phrase pourrie, hein, entendue chez de nombreux journalistes sportifs ces derniers temps, pour rendre hommage au courage de certains qui n'hésitent pas à tenter d'innover dans un domaine où la prise de risque est rarement récompensée, surtout quand on est plat comme ses pieds. Mais je vais tenter à mon tour d'innover en l'honneur de mes petits camarades qui font du jeu de mots une fin en soi et de la prise de position idéologique facile un noble combat. Bref. Attendez, donc, c'est nous ça? Non, pas du tout. Dans quelques minutes, donc à 18h, les jeunes femmes de Paris affrontent en Allemagne des Allemandes de Cologne. À Berlin, et pour la première fois de l'histoire du PSG, version couette, deux bandes de nanas vont donc en découdre. En découdre. Parce que pour ces jeunes femmes-là, la couture, c'est du passé. Elles ont gagné le droit à la parité, elles ont gagné le droit à la paresse des hommes. Ces joueuses-là vont tricoter du bout des pointes. Elles vont s'écharper, se tailler des costards et peut-être même renvoyer, se rhabiller des Allemandes hirsutes et combatives, héritières de Freya, déesse germanique de la guerre, mais aussi héritières des Kaisers d'hier, qui déjà à l'époque se coiffaient comme des filles, court devant, long derrière. Mais les filles de Cologne, parfumées ou pas, ne vont pas se laisser repasser comme ça. Et même si ça plonge dans les surfaces de réparation, on n'est plus là pour faire la vaisselle. On est là pour jouer au foot. On n'est pas là pour passer l'aspirateur. On est là pour aspirer les ballons, pour faire mordre la poussière, pas pour la balayer. On ne se fait plus le maillot, pardon les filles. On tire sur celui de la voisine pour la rendre chiffon. On va peut-être se mettre du rouge à lèvres, mais on va se mordre sans laisser de traces, grâce au dernier gloss spécial pelouse, dont Lambert Wilson a fait la publicité hier en ouverture du festival de Cannes. Cannes, oui, Cannes, c'est ça. Ce nouveau gloss, qui ne tâche pas, même lors d'une pratique sexuelle passablement répandue, qu'on appelle fellation, et qui consiste à murmurer tout bas à l'oreille des chevaux des trucs salaces que même Freud aurait eu du mal à concevoir. Freud qui trouvait étrange que Michel Platini n'ait pas l'accent lorrain quand il parlait italien pour répondre au journaliste turinois qu'il questionnait après qu'il ait marqué pour la énième fois un magnifique coup franc dans les 16 mètres. Pourquoi je parle de Platini? Ah oui, la Juve, enfin parce que pour les journalistes spécialisés on dit pas la Juve, on dit la Juve, la Juve de Torino. qu'on appelle la vieille dame en français, la vieille dama, je sais pas quoi, est en finale de la Ligue des Champions. Platini, qui a offert il y a quelques années ce titre majeur au club piémontais, doit s'en réjouir. Je l'imagine, mon Michou, seul dans son grand bureau de l'UEFA, souriant, une main sur le cœur et l'autre dans qui il voudra, se disant « Mais c'est vachement bien ». La Juve est en finale de la Ligue des Champions. Mais Michel n'a pas l'accent marseillais, mais tous les joueurs du foot du monde pensent avec l'accent marseillais. Une des plus belles qualités de Platini, c'est d'être mon joueur préféré. Mais il en a d'autres, des qualités. Il parle simplement des choses simples. Il aime le foot féminin sans en profiter pour parler de la condition de la femme, parce que c'est un inconditionnel de la pudeur et que la pudeur est aiseuse, ce qui ne l'empêche pas, la pudeur, d'être forte, la pudeur, ce qui ne l'empêche pas de renverser bruyamment les empires de la connerie. On en parlait, Stéphane. On peut aimer les femmes, footballeuses ou pas, sans pour autant enfiler des perles d'ineptie terne face à un parterre de diamants. On peut penser que la guerre c'est pas bien et le dire autrement. On a beau lever les yeux au ciel, le courage est docile et la prière à genoux. Le sport, c'est les actes. Alors vive les joueuses de Paris, de Cologne et d'ailleurs. Et vive Michel Platini qui sait ce que c'est que le foot et qui n'a pas attendu qu'on en parle pour agir justement pour ces jeunes femmes à qui l'on souhaite d'avoir de meilleurs défenseurs que ceux ou celles qui marquent souvent contre leur propre camp. Samir Bouadi qui a choisi ces mots. Et donc peut-on dire, Stéphane Paoli, que c'est un narrateur du monde? Je fais référence à votre ouvrage. Ah oui, non, je trouve vraiment. Ah, si vous dites non, il va se vexer. De toute façon, non, mais j'ai pas envie de dire non pour de bon. Parce que je trouve qu'en plus, cette façon-là de dire les choses est une excellente façon de dire le réel. Parce que, mine de rien, là, vous vous amusez beaucoup entre vous. Non, on travaille. Je suis une fois de plus trompé. n'empêche que cette façon que vous avez de dire est une incroyable façon de pointer les choses qui sont pour de bon en train de se passer autour de nous. Et donc, au fond, dire... Tous les moyens sont bons pour dire, y compris ce que vous venez d'utiliser. C'est un grand compliment. Et c'est l'objet, notamment, entre autres, du livre de Stéphane Paoli et Alain Rey, paru chez Jean-Claude Lathèse, Causa. Nous sommes des narrateurs du monde sur France Inter avec Stéphane Paoli jusqu'à 18h. J'ai aimé à râler plein et qui me couem. Sang et sang, Yanni. J'ai aimé à renouveler ni qui m'embou. Que ma sang yani. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. Araé, fani qui m'enchaîne. Girama, kondim. J'ai aimé à rabom les qui m'aime à caveau. Nimbongo, Chovy. Lick Bassi chante NJM. C'est un chanteur camerounais sur France Inter. Oui, et Samir Bouadi, au rapport. Oui. Aïe. Quand je vous dis que vous êtes le manoukian de la chronique sportive, les filles du PSG. Alors, je sais bien que c'était bien de dire Cologne parce qu'on peut faire une blague avec le parfum, mais je joue contre Francfort. Alors, ah oui, vous auriez Francfort, pu faire une blague avec des saucisses. Oh, mais je l'avais fait exprès pour l'autre Cologne. Et bien sûr, et vous pensez qu'on n'a pas des auditeurs attentifs. Vous non, je les remercie. De toute façon, je vais glisser plein de petites erreurs comme ça. Allez, nous sommes ensemble sur France Inter avec Stéphane Paoli. Ça va être le moment de Guillaume Meurice. Écoutez, je vais laisser faire Guillaume, Stéphane, et puis je reviendrai avec votre notion de reporter poète. Ah, avec plaisir. On va en débattre. Oui, oui, mais l'heure est grave, Charline Van Loonacker. Moi, je vais vous parler du déclin de notre civilisation aujourd'hui, car je vais vous parler de l'ego, pas celui surdimensionné d'Alex Vizorek, hein, si l'on en croit sa passion pour les selfies, mais du jeu de construction, les Lego. On connaît tous, hein, on a tous, comme le rappelait le chanteur Oldelaf, marché un jour pieds nus sur un tout petit Lego qui traînait. Et à ce moment-là, on a tous compris la démarche de Véronique Courgeot, qui est juste une personne qui a anticipé ce genre de problème, tout simplement. Mais aujourd'hui, plus personne n'a cette capacité à voir l'avenir, sauf peut-être Éric Zemmour. Lui, il a compris que c'était mieux avant. Avant, on faisait des sculptures en bronze, en marbre ou en bois. Et aujourd'hui, quoi ? On en fait en Lego. Mais quelle décadence, mes amis ! Alors, je le sais, hein, je suis bien placé pour le savoir, je me suis rendu ce matin à une exposition de sculptures en Lego qui ouvrait ses portes. J'ai même interrogé un père de famille. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite pour ses gosses ? Hein, qu'ils deviennent sculpteurs en Lego, c'est ça ? Ah, ils adorent déjà les Lego, mais... Après, c'est quand même très compliqué, ça semble très compliqué. A priori, vu le marché du travail, ils vont être au chômage, ils vont avoir le temps. Peut-être, ils auront peut-être le temps, et vu le nombre d'heures qu'il a passé à faire ses tableaux, oui. Oui, mais alors on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de Lego. Et voilà, on élude les vrais sujets de société, on ne parle que de Lego, bien sûr, la société du divertissement, bien. Et les enfants dans tout ça, hein ? Qu'est-ce qu'elle ferait, cette petite fille, si elle était sculptrice en Lego ? Je ferais une personne assise. C'est tout ? Oui. Qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle réfléchisserait, bien sûr. Et voilà, ça commence. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as fait exprès de prendre la seule pauvre petite fille qui fait une faute de français. Ah ouais ? Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'elle ferait, celle-là ? Un cheval. Un cheval ? Parce que ma sœur, elle aime bien les chevals. Elle aime bien les chevals ? Et voilà, de mieux en mieux, la décadence, je vous dis. Et quelle est la sculpture préférée de ce gamin ? Celle où il y a un humain et il y a... Il y a un escalier où il y a une personne qui monte dans le corps de l'humain. Bien joué, un humain qui rentre dans le corps d'un autre humain avec un escalier en plus. C'est pas de la décadence, ça ? Hein, on n'est même plus dans le fist fucking, on est dans le body fucking carrément, le stairs fucking. Enfin, c'est n'importe quoi. Où on va ? Bon, qu'est-ce qu'il a envie de faire, cet autre gosse ? Une tour. Il y aura quelque chose, un grand mur qu'on pourra lever. Il y aura plein de briques Lego qui tombera. Mais une tour qui s'écroule alors ? Oui. Bien ! Bon alors je vous passe les Lego qui tombera, on en est plus loin, hein. Mais un enfant qui veut rejouer chez lui le 11 septembre, tranquillou le gars, hein. Des tours en Lego qui s'écroulent, et quoi encore ? 70 Barbie vierge, c'est ça ? Une version revisitée du Petit Prince, égorge-moi un mouton ? Non mais attendez, oh ! On va où là ? Bon, et lui ? Ah, je sais pas, peut-être je me représenterai peut-être. Ah, toi-même ? Oui, voilà. Ah, t'es un peu narcissique alors ? Oui, un peu. Un peu beaucoup, mon pote, dis donc, tu vas finir comme Vizorek, hein, avec une perche à selfie, à prendre des photos de tes trous de nez, là, c'est ça qui t'attend, bah, je te le dis. Lego ou les Lego, il faut choisir. Mais oui, ça lui va le cœur. C'était la blague du début de ma chronique. Hein. Ah, mais, voilà, la décadence, voilà, une animatrice de France Inter qui n'écoute pas les chroniqueurs. Il voilà. Faut podcaster vos émissions, elles sont très bien. Mais je les réécoute pour savoir ce qu'il s'est dit, hein, vous savez. Bon, passons à notre gamin. Ça devient n'importe ça, quoi. Ça, c'est les jours fériés. Qu'est-ce qui lui plaît à cet autre gosse ? Moi, ce qui me plaît, c'est toutes ses œuvres. Parce que moi, à chaque fois que je prends des Lego, des fois ça tient pas. Mais j'aimerais être comme lui. Parce que ces inspirations-là, moi aussi, j'aimerais bien qu'elles me viennent. Et voilà, futur artiste raté qui va finir critique sur un blog minable. À dire oui, j'ai vu le spectacle d'Alex Vizorek. Franchement, c'est formidable. Non, mais attendez, n'importe quoi, je vous jure. Bon, terminons avec le responsable de cette expo, le producteur Pascal Bernardin. Bon, vous êtes producteur, donc les briques, ça vous parle ? les briques me parlent, ben moi je fais des spectacles briques après briques. Moi, ce qui me parle dans le producteur par rapport au spectacle, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai fait les Rolling Stones l'année dernière, les Vieilles Canailles, je fais Violetta cette année, donc je fais des tas de choses un peu éclectiques. Ah ben vous devez toucher beaucoup de briques, c'est bien ce que je dis. De briques, j'aimerais, ben, je sais pas, en tout cas, il y en a beaucoup qui passent entre les mains de mes compagnies, mais c'est pas le sujet. Mais ouais, bien sûr, c'est pas le sujet. N'empêche qu'à la sortie, il y a une énorme boutique où on vendait des Lego. Et voilà encore un exemple de déclin de la civilisation. Le monde de la consommation, c'est dégueulasse. Mais moi, je me suis pas laissé avoir, d'accord ? Ouais, bon, j'ai quand même acheté une boîte, mais bon. Non, mais bon, attendez, regardez, j'ai pas choisi n'importe laquelle. J'ai pris celle avec un voleur. Vous avez vu, il y a un voleur qui s'enfuit devant un policier qui sourit. Hein, il y a un pompier qui tient une grosse lance. Hein, ça vous rappelle pas les viols dans les casernes, peut-être, ça ? Hein, et un hélicoptère. Ça vous rappelle pas une émission de télé-réalité ? Voilà. Hein, posez-vous des questions un peu sur l'évolution de la société. Des mecs qui sont payés pour jouer au Lego. Non, mais je vous jure, on va aller jusqu'où comme ça ? Moi, je vous le dis, un jour, il y aura des gens qui seront payés sur cette antenne, hein, la radio publique, pour faire des blagues. C'est ça qu'on veut ? Bon, Éric Zemmour revient. Ils sont devenus complètement fous. Merci Guillaume. C'était Maurice. Bien Guillaume, il y a moyen de faire un jeu de mots avec Lego. Lego. Vous savez pourquoi j'ai été inattentif 3 secondes ? Parce que je recherchais un passage du livre de Stéphane Paoli avec Alain. Bien sûr. Parce qu'il y a un moment où vous dites « dire, c'est changer et transformer ». Bien. Mais qu'en est-il à l'heure de la vérité ? Vous dites, je ne vois que le génie créatif qui puisse enjamber librement la question de la vérité. Mmh. Et c'est là que vous parlez de la notion de reporter-poète. Est-ce que reporter-humoriste... mais je ne vois pas beaucoup de différence, honnêtement. Parce que ce qu'il vient de faire à l'instant, là, on a bien rigolé, mais c'est un formidable anti-Zemmour. Et c'est un formidable moyen de pointer exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec cette problématique délirante de la décadence. Donc il a c'est comme une photographie. Il vient de nous montrer le négatif. Mais c'est le négatif qui porte la photo. Ah, mais j'ai pas fait exprès, moi. Je vais faire des blagues sur les Legos. La vérité, elle est dans le négatif. Et alors, autour de cette table où il y a, en effet, il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de négatifs. Eh ben, c'est la force de la table. Et donc, la création peut dire le monde de façon plus proche que le factuel. Bien sûr. Donc, on va virer tout le monde à la rédaction et on va prendre les choses en main. Avec vous, Stéphane Paoli, rédacteur en chef. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h et on va aborder avec vous le sujet numéro 2. Tiens, le leader de la CGT qui sera à Cannes ce week-end. Et le Figaro s'en offusque dans ses pages saumon en le qualifiant de sosie du beauf de Cabu. Je ne sais pas comment il faut le prendre, ça. Pourtant, il ne montera pas les marches. Il ira parler de cinéma social et notamment au stand de la CGT Spectacle. Je vous ai réservé une chambre Martinez. Vous connaissez le Martinez ? Non. Vous y serez très bien. Je vous veux comme un coq en pâte ici. Vous me direz, vous voulez dîner ce soir. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade en voiture ? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Quoi de plus naturel qu'un Martinez sur la croisette ? Philippe Martinez, leader de la CGT, extrait de la Cité de la Peur. Alors, c'est assez rigolo de voir un leader de la CGT à Cannes. Ça avait été le cas de Bernard Thibault, qui avait même monté les marches avec sa femme en 2007. Ça avait été très critiqué à l'époque. Mais lui va participer au 13e festival qui s'appelle Vision Sociale. Et puis, il ira à la CGT Spectacle, etc. Donc, finalement, c'est rigolo. Mais est-ce que c'est choquant ? Il faut mais pas du tout. La CGT, elle est cofondatrice du festival de Cannes. Et par ailleurs, Martinez, il a été, je parle pas de l'hôtel, là, il a été invité par le président du festival, par l'Escure. Mm-hmm. Donc, que la CGT soit à Cannes, après tout, dès lors qu'elle est à Cannes pour voir comment, au fond, la culture doit être accessible au plus grand nombre, moi, ça me dérange pas du tout. Mais vous saviez que ça existait, un festival qui s'appelle Vision Sociale ? Non. Ah oui, personne, en fait. Non, ça a été l'occasion de le révéler. Grâce à cette polémique, on le sait, finalement. C'est vrai, effectivement. Alors, et oui, la CGT a donc, effectivement, cofondé le festival. À l'époque, Cannes et Nice étaient même des mairies communistes qui ont beaucoup aidé à fonder le festival. Et alors, j'ai fait quelques petites recherches, parce qu'on reçoit Stéphane Paoli, quand même, il faut relever le niveau. Quoi. Festival pensé au départ pour concurrencer Venise aux mains de Mussolini, qui faisait gagner le film de Leni Riefenstahl plutôt que celui de Jean Renoir. Bah écoutez, moi, je suis très rassuré de savoir que la CGT est à Cannes cette année. Ah ben voilà. j'ai rappelé qu'en 72, la Palme d'Or, c'est « La classe ouvrière va au paradis » d'Elio Petri. Et que donc, il y a une grande, grande tradition du film social à Cannes, même dans les grands gagnants, bling bling. Et puis, heureusement, il reste des films sociaux à Cannes, qui se passent dans le Nord. Bien sûr. c'est vrai. Bah oui, et puis la cocaïne, ça fait travailler des gens aussi en Colombie. Enfin, il y a tout un aspect social quand même, dont on ne parle pas. C'est le poète qui revient. Le reporter poète. On va réutiliser votre formule, hein, Stéphane Paoli, de reporter poète, on l'aime beaucoup. Poétesse, elle prend de la hauteur aussi et elle dit le monde. C'est une narratrice du monde aussi à travers les livres, Clara Dupont-Monod. Oui, alors, sauf que là, ça va être quelque chose d'assez chiffré et d'assez proche du réel. Parce que l'actualité, c'est que je me suis réveillée ce matin... pardon. En toussant et en étant très heureuse d'habiter en France. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi ce sentiment étrange et incongru? Oui, pourquoi ce sentiment étrange et incongru? Eh bien, parce que j'ai appris hier qu'en Corée du Nord, le ministre de la Défense avait été exécuté au canon anti-aérien. Oui. Bon. Alors, exécution, oui, alors sur laquelle planent quelques doutes, oui. Mais enfin, c'est quand même le genre de doute qui vous fait aimer votre pays, parce que du coup, vous vous dites, on n'a pas les mêmes ici, c'est déjà quand même pas mal. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'apprends que la France connaît une hausse inédite de vente de livres. Eh ben oui, l'information est passée assez inaperçue. Je suis sorti avant-hier, mais quand même, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là rapide. Eh bien si, les chiffres viennent de tomber, Alex, mais c'est plus 4% au mois de mars. Il y avait eu plus 3,5% en février et 5,5% en janvier. Or, le marché du livre était en panne et de façon quasi continue depuis 2009. Et le livre était le secteur qui souffrait le plus durement de la crise. Voilà qu'il brise la malédiction. Et sur un premier trimestre, donc, il s'offre une hausse plus forte que tous les secteurs commerciaux confondus. Donc, quelle est l'explication, me demanderez-vous? Et je vais vous répondre, car Livre Hebdo, le journal Livre Hebdo en livre quelques-unes. Alors déjà, les Français ont un peu plus de sous, ce qui est quand même une bonne nouvelle. D'après l'INSEE, les dépenses de consommation des ménages ont progressé depuis décembre. On en conclut donc que les Français ont le moral. La jonction m'a toujours semblé un petit peu bizarre, mais enfin, il se trouve que c'est le cas. Le moral des Français a remonté pour la première fois depuis 2008. Donc, alors, ça attention, veut dire... c'est du ressenti, hein, toujours ces enquêtes, alors, voilà, du moral des ménages. Voilà. Mais n'empêche qu'on voit au niveau des livres, on se dit bah, plus d'argent, plus de loisirs et donc visiblement plus de livres. Donc si je comprends bien, les Français partent en voyage, ils achètent un guide, ils préparent un avarin, ils achètent un livre de recettes, ils tapotent les coussins de leur canapé, ils se plongent dans un roman ou dans une BD. Autrement dit, les Français associent leur sourire retrouvé au livre. Je ne sais pas si on peut en dire autant des Belges, si je peux me permettre. Mais bon, en tout cas, côté français, ça marche comme ça. Et puis, à côté Bim de ça, voilà, il y a une autre explication avancée toujours par, alors cette fois, les libraires, c'est que l'offre est excellente. N'en déplaise au canon anti-aérien, mais en France, c'est encore le livre qui fait événement. Et oui, le Michel Houellebecq, le Vargas, le Ruffin, le Tellet, le Duguin. Dans Livre Hebdo, un libraire déclare... T'as rien dit sur le mien, là, quand même. Ah bah, c'est beaucoup, attendez, ni sur Trier-Mailer. Ça va venir, alors, vous allez voir. Mais dans Livre Hebdo, un libraire déclare « En 15 ans de métier, je n'ai jamais connu une telle concentration de phénomènes éditoriaux. » Avec ce petit miracle qu'un phénomène éditorial n'écrase pas les autres livres. Ça, c'est assez propre à la chaîne du livre, mais il tire le marché en fait, tout entier vers le haut. C'est pour ça qu'il était absurde de râler contre le livre de Valérie Trier-Mailer, puisque les libraires ont vu arriver dans leur librairie tout un tas d'une clientèle qui n'était pas du tout habituée à franchir le seuil du livre. C'était un chef-d'œuvre, son bouquin, en plus. Non, mais même, mais si on parle que de la clientèle, pour le coup, ça n'était, a priori, c'était l'occasion d'aborder une clientèle qui n'était peut-être pas habituée à une librairie. Et puis, dernière raison de cette poussée de croissance du livre, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Parce qu'à partir de janvier, les Français ont poussé la porte de leur librairie. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé le Coran, les explications du Coran, des livres sur l'islam et la République, le traité sur la tolérance de Voltaire, etc. Et ensuite, ils ont largement acheté les ouvrages des victimes de Charlie, de Charles Bacabu, en passant par Bernard Maris. Comme quoi, parfois, acheter un livre revient à s'incliner sur une tombe et un livre peut cacher, parfois, une petite révérence. Ça a même été très loin, puisque la librairie a dépassé le lieu où l'on vend des livres. Elle a pris une autre fonction. Un libraire explique, toujours dans Livre Hebdo, on a senti une vraie demande de contact humain dans des lieux physiques. C'est-à-dire que les gens venaient, discutaient, poussés par le besoin d'échange, d'être ensemble, ils se rendaient où? Dans une librairie. Et d'ailleurs, est-ce un hasard? Mais pour la première fois, la vente en ligne a reculé. C'est-à-dire que l'embellie de la librairie s'est accompagnée d'un recul de la vente en ligne. Rien que chez Actes Sud, Internet accuse une chute de 20%. Et quant à Amazon, son poids économique est passé de 10 à 7% en un an. Donc quand on dit qu'un livre, c'est une rencontre, eh ben, c'est pas qu'une figure de style. Et alors là, ça remonte le moral, cette chronique. Ouais. C'est beau, c'est beau. En plus, je pense que c'est, ça recouvre vraiment une réalité. C'est drôle parce que j'étais, moi, hier, dans une librairie. Ils sont en train de modifier l'espace physique de la librairie pour en faire un lieu aussi de rencontre et de débat. Et ils ont exactement reçu le même message que vous, Clara. Et je veux dire, en Belgique, on en fait même des restaurants. Il y a des tables, et on peut manger au milieu des... Les nourritures terrestres rejoignent les nourritures intellectuelles. Mais c'est ce qu'on faisait à l'opéra il n'y a pas si longtemps encore. Hein, où... Et en Allemagne, d'ailleurs, on peut manger des sandwichs en écoutant de la grande musique. Si la table est bancale, hop, on achète un livre et on le lit. Mais oui, c'est pratique. Et voilà. Et la musique, elle est là, elle est sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Stéphane Paoli jusqu'à 18h. Il publie Causa chez Jean-Claude Lattès et on va en reparler juste après. On va en reparler des réseaux sociaux aussi. Et on envoie la fanfare. Avec Bob Marley, bien sûr, le tube qui a lancé Bob Simmer Down. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Stéphane Paoli, que vous retrouvez dimanche midi, bien sûr, en 3D sur cette antenne. On va parler des Anglais. Qui sont les Anglais? Oh là là, les roast beef, ça va être un gros sujet. Mais ça. C'est des gens incroyables qui roulent sous la pluie dans les voitures décapotables. C'est vrai. Okay. Pose question quand même. Incroyable, c'est le mot que vous utilisez pour dire complètement con en fait. On a hâte d'entendre ça donc dimanche midi dans 3D. J'aime assez ce côté décalé justement. 3D et troisième sujet, car grâce à Facebook, tous nos amis imaginaires, virtuels, partagent des articles. Et ils deviennent en quelque sorte des rédacteurs en chef d'un grand média qui est Facebook, oui. Et puis Facebook est devenue l'une des principales portes d'entrée pour l'accès à l'information, figurez-vous. Voilà donc ce que ça donne dans la réalité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal d'actualité Facebook, aujourd'hui 23 septembre. Et on commence tout de suite avec une news qui vient de tomber. Guillaume Pisson qui a dit, je cite, « Mon père, il est trop cool, il m'amène au sport, à tout de suite les poteaux ». Chômage maintenant, Julien Mayol qui n'a toujours pas trouvé d'emploi puisqu'il a passé sa journée à liker des statues. Sans transition, événement, un événement signé Nicolas Guitou qui nous dit qu'il déménage samedi. Mettez des jogging, précise-t-il. Pour l'instant, seulement 8 personnes ont cliqué sur oui. Monsieur Poulpe nous a fait un journal d'actualité Facebook. Voilà à quoi ça ressemble un journal Facebook. Une parodie bien sûr, mais cela fait penser à un passage de votre livre avec à vos correspondances avec Alain Rey, Causa chez Jean-Claude Lattès. Vous dites alors, sommes-nous encore les narrateurs du monde ? Je ne veux pas me résoudre à ce que les algorithmes soient les narrateurs du monde. Or, si Facebook, le projet, il y a un article dans Libération aujourd'hui qui est très intéressant. Ah, j'ai vu ça, ouais. Voilà, donc il y a des articles sur Facebook. Quand on clique sur l'article, une page s'ouvre et on arrive sur le site du Monde, du New York Times, etc. Facebook voudrait arriver à ce que lorsqu'on clique, on reste évidemment sur Facebook. Et puis entre en jeu, donc si Facebook phagocyte le système, qu'on arrive à ce que ce soit l'algorithme qui soit le rédacteur en chef. Donc là, on se retrouve vraiment dans votre crainte, dans la discussion que vous avez avec Alain Rey dans cet ouvrage. Mais c'est une vraie crainte. Quand vous avez commencé l'émission tout à l'heure, il y a un petit résumé de votre conférence de rédaction. Mmh. Bon, la conférence de rédaction, c'est un moment d'une importance considérable parce que c'est le moment de l'échange des points de vue. Toi, tu as envie d'ouvrir sur quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité ce matin ? Est-ce qu'on fait une ouverture politique, économique, etc. C'est votre décision. C'est la décision humaine. C'est l'enjeu ontologique. C'est la personne qui s'engage et qui choisit. C'est d'une importance première. Qu'est-ce que fait l'algorithme ? L'algorithme, en fonction des occurrences, il va regarder ce que d'ailleurs certains quotidiens ont fait. Certains quotidiens composent leur une avec des algorithmes qui vont prendre en compte toutes les unes de l'actualité mondiale et qui, en fonction des occurrences, vont constituer une une. Ah oui, non, il y a cinq fois le Népal, donc on met d'abord le Népal, ensuite on va mettre un peu d'écho, etc. Il n'y a plus aucun engagement ni aucune réflexion humaine, il y a des algorithmes qui font des calculs. Si nous évoluons vers ça, ben c'est le film de Kubrick, c'est la fin fantastique de 2001. Quoi. C'est l'ordinateur qui dit « Attendez les gars, non c'est fini, maintenant c'est moi qui pilote ». Et donc il faut qu'on soit très très attentif, c'est pas une petite question, c'est la question de ce que nous, le nous planétaire, nous les humains, ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous décidons. Donc il faut être très très très exigeant sur cet enjeu-là. Donc vous dites conserver la maîtrise du récit, c'est un enjeu ontologique, donc c'est vraiment là, c'est tout le défi auquel on est confronté. Mais je crois, sincèrement je crois qu'il faut, prendre ça très très au sérieux, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de dire. Vous vous rendez compte, le pouvoir même, le privilège que nous, là, à l'instant où nous parlons, c'est fabuleux, enfin... Un micro devant nous, on parle, des gens écoutent. Oui, ça, c'est pas sûr qu'ils écoutent. Hein. Non, c'est possible. On peut dire ce qu'on veut. Il faut douter aussi qu'on nous écoute. Je crois que le doute est une chose importante. Mais c'est un privilège inouï. Et donc, ce privilège, il faut le revendiquer, mais il faut l'assumer pleinement. C'est-à-dire que notre décision, nos choix, nos contre-choix, ce que vous avez fait tout à l'heure sur l'anti-Zemmour, bien sûr, ça, il faut le revendiquer. Et ça, c'est pas une machine qui peut faire ça. C'est vraiment... une réflexion, c'est ce magnifique négatif, en fait, que l'émission quotidiennement que vous faites propose. Oh, merci Stéphane Paoli, on pouvait rêver meilleur encouragement ça et parrainage. Ça fait beaucoup de compliments pour Guillaume Meurice. C'est trop, si je peux me permettre. Oui. C'est vrai. C'est, si vous voulez qu'on vous le prête le dimanche de temps en temps. Allez, bienvenue quand tu veux. Alors, vraiment, quand tu veux. De l'argent, on le loue. C'est tellement de droite. Oui. Le dimanche midi, donc 3D Stéphane Paoli sur cette antenne, bien sûr. Et puis je rappelle votre ouvrage avec Alain Rey, le linguiste et lexicographe. Alain Rey, c'est le plus jeune de nous tous. Hein. Oui, c'est ce que vous dites. Ah non, mais il est incroyable. C'est vrai, à plus de 80 ans, l'esprit vif. Causa, échanger, partager, reconnaître, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. C'est un ouvrage de haut vol où il y a tout votre bagage, toutes vos réflexions, à vous deux, Alain Rey, Stéphane Paoli. Un grand merci d'être resté avec nous en ce jour férié. Merci à toute l'équipe. Samir Bouadi, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On revient demain en plus. Mais bien sûr, évidemment, on revient demain avec Clémentine Sélarié. C'est la fin de cette émission et donc on va laisser le mot de la fin à une information qu'on pourrait trouver sur Facebook. Un chien a mordu une vieille dame, rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux.